Reliquée, on était 4, c'est lui de suite dans classe 1. Défauté, on était hot, tu connais ça parle, pas ta tarte grave. Fais belle à qui tu parles, reste à t'attendre dans ton bas, ça te met du béton dans ton pare-bas. Trop de béton, tu le béton, trop de mytho, trop de pédales. Fais de vrai gars, beaucoup de douille, trop de pétards. À part ça, tous les jours sur le terrain, comme hasard, toi tu parles. Moi je fais de source, t'analyse comme laser. J'ai que moi, mère a fait un mini moi. Là je suis pas d'humeur, photo a pris 10 mois. Je suis 3000 autres côtés, et encore c'est le minimum. Personne m'a aidé, gros t'as pas idée. Si tu voyais les choses comme moi, t'irais suicidé. On veut la qualité avant la quantité. Pas 5 minutes en bas de chez moi, elle est là la réalité, poteau. Ouais c'est nous, tu es le brassard. Ah ouais maintenant t'en fais les cartes. Après toutes ces années de placard, mes potes sont sortis fiers. J'ai délaissé la stupe pour bicrap sur teaser. Mais j'oublie pas c'est quoi de charbonner vers Gisère. La CC tous dans mon viseur. Les petits ils sont vicieux, ils savent très bien comment viser. Tu sors sous contrôle judiciaire. Et ceux qui ont pas fermé leur gueule vont voir la mort sous la visière. On parle de monter une équipe, compter du liquide. Les mecs chez moi ils ont perdu vite de 3 rafales et on est quitte. T'es pris de vitesse, tu sais plus comment faire. Mental de ma thèse, mais plus celle de mon grand frère. Ouais c'est nous, c'est le brasseur. Ah ouais mais quand t'as fait les cancers. On va tous en mettre des balles. On va tous en mettre des balles. Ouais c'est nous, c'est le brasseur. Ah ouais mais quand t'as fait les cancers. Tu sais plus comment faire.